L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Normalement, les étoiles qui naissent ensemble au même endroit ont tendance à se mouvoir de la même façon dans leur galaxie, avec une vitesse et une direction semblables. Mais il arrive qu'il n'en soit pas ainsi, et des étoiles peuvent avoir une vitesse très différente de leurs voisines, et même s'échapper de la galaxie qui les a vues naître. Une telle étoile vagabonde vient d'être observée pour la première fois dans une galaxie qui n'est pas la nôtre, la galaxie d'Andromède. Cette étoile fugueuse est une étoile supergéante rouge, nommée J004330.06+40525.4, ayant une température de 3700 Kelvin et une masse comprise entre 12 et 15 masses solaires. Elle a été caractérisée par Kate Evans et Philippe Massey du Lowell Observatory à l'aide du Multi-Mirror Telescope installé à l'observatoire Whipple sur le mont Hopkins en Arizona. Parmi les étoiles vagabondes qui ont déjà pu être identifiées dans le passé, très peu sont du type massive et évoluée, ce qui est sans doute dû au fait qu'elles ont eu du temps pour s'éloigner grandement de leur lieu de naissance, ce qui rend plus difficile leur identification en l'absence du contexte de leur groupe d'origine. C'est en effectuant un relevé photométrique des supergéantes rouges de la galaxie d'Andromède, M31, que Evans et Massey ont découvert cette fugueuse. Ils ont déterminé que cette étoile était séparée des autres étoiles massives du même type par 15 000 années-lumière, ce qui correspond à la distance parcourue sur sa durée de vie estimée de 10 millions d'années à la vitesse radiale différentielle mesurée, de l'ordre de 300 km par seconde. Lorsque l'on considère l'autre composante de vitesse, la vitesse tangentielle, qui est estimée à 300 km par seconde elle aussi, on arrive à une valeur de vitesse totale de l'ordre de 450 km par seconde pour J004330. Cette vitesse différentielle est la plus grande vitesse connue à ce jour pour une étoile massive. Des vitesses plus importantes avaient déjà été observées auparavant, supérieures à 500 km par seconde, mais uniquement sur des étoiles de faible masse, et dans notre galaxie. Les auteurs montrent que la vitesse de J004330 est comparable à la vitesse d'échappement du disque de M31, là où elle se trouve. Elle est donc en train de s'échapper complètement de la galaxie d'Andromède. Sauf que la durée de vie restante pour cette supergéante rouge n'est que de 1 million d'années seulement, et cette durée est insuffisante pour sortir du disque galactique, puisqu'elle ne parcourra que 1500 années-lumière avant d'exploser en supernova. Il reste maintenant à essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu donner une telle vitesse à cette grosse étoile lors de sa naissance. Cet article de Kate Evans et Philippe Massey est paru dans The Astronomical Journal, le volume 150 de novembre 2015, donc, et il s'intitule tout simplement « A Runaway Red Supergiant in M31 ». Une supergéante rouge vagabonde dans M31. Restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr. Pour récupérer ce podcast, c'est direction podcloud.fr ou bien iTunes, ou bien encore sur le blog, car il y a un onglet spécial podcast que vous pouvez retrouver. Et si ça vous intéresse, vous pouvez également écouter Ça se passe là-haut sur Pod Radio, qui est une agrégation de plusieurs podcasts qui sont diffusés sur une grille comme une radio. Et vous trouvez le lien sur le blog également. Allez, salut à tous, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. À bientôt.